Bonsoir, bonsoir. Vous êtes évidemment sur Radio Campus Montpellier et incontournablement dans la machine à son. Et oui, désolé pour l'émission d'avant que j'ai un petit peu coupé net. Mais oui, Toulouse. Mais bon, voilà, Radio Campus Montpellier. Donc ce soir, machine à son. Alors, au début, alors je vous explique un petit peu l'histoire parce qu'à chaque fois, il y a toujours des histoires. C'est dingue, ça ne peut pas se passer de façon simple et sereine. Non, avec le professeur, il faut toujours qu'il y ait des trucs qui viennent s'immiscer, des trucs chelous. Bref, ce soir, la semaine dernière, nous avions décidé que cette semaine, on ferait une émission « La machine à son montre les dents ». Voilà, un truc qui mord, qui est agressif et tout. Et puis en fait, le professeur est arrivé ce matin, parce qu'on avait décidé de préparer un petit peu quand même, donc on s'est mis un peu tôt dans la journée, et oui. Et il est arrivé, façon un peu super détendue. Il m'a dit j'ai une lassitude infinie, le spleen. On fait pas montre les dents, on va faire autre chose. Bon, ok, pourquoi pas. Je suis habitué, hein, parce qu'on change régulièrement quand même d'idées. Et donc là, il me sort tout un tas de disques. Ça va être un peu compliqué parce que c'est quand même très lounge. Voilà, ce soir, faut vous attendre à quelque chose qui va pas vous énerver. Hein, qui va peut-être au final, bon, il a peut-être réussi à me convaincre, hein, ça va vous détendre. Alors évidemment, j'essaierai de glisser quelques aberrations par-ci par-là, mais bon, ça va être un petit peu compliqué puisque voilà, vraiment le professeur là, il m'a amené portion congrue pour ce qui est des musiques dansantes. Donc voilà, c'est parti. Alors c'est un peu, alors il m'a expliqué, il m'a dit en fait voilà, faut imaginer qu'on est sur la lune et qu'en fait la seule discothèque qui est, c'est du jazz. Donc, on cherche le meilleur du jazz. C'est parti. Les boules. Labrador, c'est déjà tout prévu, y compris bien entendu des ventouses magnétiques qui permettront à l'équipage de rester tout de même fixé aux parois du satellite, même si c'est le plafond. Il faut savoir qu'en ce temps-là, le cosmos n'était pas tellement infini que ça. Il n'était d'ailleurs pas infini du tout. Et pour tout dire, il était plutôt rond. De sorte que, quand on partait d'un endroit, et on allait tout droit, au bout d'un certain temps, on y arrivait. Pour aller quelque part, en général, le plus simple était encore de partir de là où on voulait aller. Et avec du temps et un peu de chance, on y arrivait effectivement. Restons sur la Terre, c'est beaucoup plus intéressant. Un homme en chair et en os, comme vous ou moi. Il prépare dans un laboratoire son futur voyage dans l'espace, en dehors de la capsule. Au lieu de nager dans l'espace comme un pantin, il va pouvoir se mouvoir pratiquement comme s'il était sur la Terre. Bref, dans quelques mois, quand il partira pour la grande aventure, il sera déjà familiarisé avec les traîtrises du cosmos. Sujet suivant. Mécanicien, service ordures ménagères. Bienvenue sur la Lune. Bonjour. Encore ici ? Eh oui, tenez. Et j'ai bien fait de rester, je crois. La situation est beaucoup plus sérieuse que vous ne pouviez le penser, je le crains. Que voulez-vous dire ? On meurt beaucoup ici depuis quelque temps. Quoi, le fameux virus ? Si l'explication vous suffit. Leur activité cérébrale est normale jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Il est mort ? La question, notre question est celle-ci. Sommes-nous les seuls, nous autres terriens, sommes-nous les seules intelligences dans le cosmos ? Quand je me suis réveillé, le lendemain, j'étais perdu. J'étais sur une planète. Et comment je me suis retrouvé sur une planète ? C'était, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'était là. Je me trouvais sur la galaxie 14. Une petite race. Mais ils sont tous très gentils. Alors moi, je ne faisais rien. J'écoutais de la musique des fois. Alors c'est un peu du yéyé. Esta es la historia de un gato que me encontré. Bailaba como loco y sin más que hacer. Y también me puse a bailar con él. Un lindo gato negro. Un lindo gato negro. Por medio de este gato una chica vi. Y era tan bonita que me enamoré. Y si también hay modo mi novia la haré. Un lindo gato negro. Un lindo gato negro. Divertirnos la invité a bailar. Me dijo el gato es mío, lo puedo prestar. La historia de este gato te puedo contar. Un lindo gato negro. Un lindo gato negro. ¡No!

Check out on the mountains and the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause there was a day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said, never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. J'avais promis du lounge, je vous ai pas menti. Bon, j'espère que quand même vous en profitez pour vous reposer un petit peu de cette vie harassante. ambush the star, and finches have seen my face. Yeah, I had 10 pints of bitter at the Volunteer of Gloucester Place. I'm pub crawling on the ramp. I'm pub crawling, baby, I'm your man. I started out the night at the Washington on England's Lane. I said I'm the pub crawling rhyme, and everybody knows my name. When Big Ben struck 12, I was at number one Queensway. The music and the wine was grooving like on funky Broadway. I'm pub crawling, I'm pub crawling. Thinking about you, so I staggered out the door and took a car to Waterloo. I think I'm coming on home. I'm coming on home. I've been pub crawling, baby, now I'm coming on home. I got Bobby Clive and Stan to see me make it on in. Bobby, go ahead, baby. Help me, baby. Yeah. Oh, yeah, man. We've been pub crawling. Pub crawling. Hey, fellas. Watch it, man. Let me get my key. Take it down, man. Take it down. The neighbors, man, they don't dig my jazz. And the missus is asleep. So you gotta take it down, man. Shucks. My head is splitting. Too much of the wine, too much of the gin. Oh yeah. Hey fellas, man, I think I'm freaking out. God, you gotta help me up the stairs. The second floor I live. Let's pussyfoot on up the stairs. Baby, the rhyme has gotta have some rest. Yeah. Baby, head of my anyway, man. Paris, Rome, New York, Moscow. What? Yeah, that's right, London. London. London, England. How about that? Been pub crawling all over town. There was a king who ruled the land. His majesty was in command. The silver eyes, the scarlet eagle, showered silver on the people. Thou, my you have to leave me there, hanging in my inventory, waiting. You only have to read the lines and screw me back and everything shines. Different meaning. Yes, there. Alors, petits et grands, reposez. Je laisse légèrement en fond Mulatu Astatke. Donc ce soir, oui, sélection très lounge hein, quand même. Hein. On s'est pas énervé. Hein. Par une fois ou deux, j'ai réussi à mettre un poil de pression. Mais enfin bon. Mais ça fait du bien de temps en temps de faire des émissions un petit peu voilà, détendues, cocktail, etc., etc. Donc ce soir, vous avez entendu, pour votre plus grand plaisir, j'espère que vous ne cherchiez pas à écouter les trucs pour vous dynamiser, parce que c'était raté. Hein. Donc Mulatu derrière, et d'ailleurs c'est fini, il me semble bien. Simon Day avant, les Pink Floyd, Ram Jam Holder, très bien, ça faisait longtemps que le professeur ne l'avait pas ramené celui-là. Divo, Viagra Boys, donc voilà, quand même un petit peu, mais bon, morceaux les plus cool, hein, quand même. Hein. Faust, Steve Red, excellent, vraiment excellent. The Temptation, The Doors, Aphex Twin, alors de temps en temps, pour faire un peu, vous voyez, le pont entre deux trucs, machin, voilà. Donc les sons un peu étranges, et voilà, tout ça, c'était Aphex Twin. Art Ensemble of Chicago, là d'entrée, ça vous a un peu estomaqué. Dread Zone, vraiment pas mal. Et au tout début, Los Pajaros avec Gato Negro, histoire quand même que, bon, voilà, on démarre pas par un truc trop mou, histoire que vous endormiez pas de suite. Et là, je vois que pour une fois, j'ai énormément de temps, c'est dingue, je suis allé trop vite. Alors, je vais pas vous citer tous les titres de tous les trucs, parce que c'est un peu l'enfer, déjà, je me rappelle plus. Parce que vous savez bien que le professeur, il me pose un tas, et puis après, il me dit « démerde-toi », donc j'ai pas beaucoup de temps pour... Donc je retiens pas forcément tout, mais je me rappelle que voilà, je dois mettre celui-là sur celui-là, etc. Je vous raconte, j'essaie de meubler un petit peu. Voilà. D'ailleurs, c'est chichement meublé, la machine à son, c'est une atmosphère très zen. Il y a des disques partout, mais après, il n'y a aucun meuble. Et oui, voilà, il n'y a même pas de tapisserie. Ici, personne ne fait de tapisserie. Donc j'arrête la catastrophe. Je vous souhaite une bonne fin de nuit, ou un bon début de nuit, pardon. Et puis à la semaine prochaine, on verra si le professeur il décide d'être un petit peu plus les dents en avant, quoi. Allez.